Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le cinéma de Krzysztof Kieślowski. Myślę, że to, co je łączy, być może to jest po prostu takie stare i niemodne bardzo dzisiaj już pojęcie jak wiara w człowieka. Ce qui peut lier tous ces films, d'après lui, c'est peut-être une définition tout à fait démodée qui s'appelle la foi dans l'homme. Krzysztof Kieślowski à l'émission Les Belles Heures en 1989. Krzysztof Kieślowski dira aussi ailleurs que dans tous ses films, il raconte toujours la même histoire, celle d'un homme ou d'une femme qui a du mal à trouver ses repères dans le monde, qui ne sait pas très bien comment vivre, comment distinguer le bien du mal et qui cherche désespérément. Kieślowski fait partie des voix importantes du cinéma au 20e siècle. Son cinéma est à la fois celui de la condition humaine, dans ce qu'elle a de plus universel, en même temps qu'il témoigne de la réalité très particulière du peuple polonais à un moment très précis de son histoire, ce moment charnière qui précède la chute du mur de Berlin et l'écroulement du bloc communiste. Irène Jacob, Krzysztof Kieślowski vous filme admirablement. Et je dirais que son regard sur vous est un regard d'amour, on le sent. Est-ce que vous vous sentez aimé quand il vous filme? Oui, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment bon. Il n'aime pas le superflu, c'est vrai, il voit la vie sans masque, sans foulard. Enfin, c'est quelque chose d'assez abrupt, enfin, brut presque. Hein. Enfin, la réalité n'est pas embellie, enfin, il la cherche pas de cette façon. Mais le sentiment qu'il a envers les gens est toujours, est souvent bon en tout cas. C'est vrai que dans ces personnages, ce qui est formidable, c'est que justement, il ne les juge jamais. Hein? Même dans Tu ne tueras point, qui était quand même une histoire, il était vraiment, il avait un bon regard pour cet homme aussi. Je peux dire que j'ai vous demandé si on se sent aimé, mais j'ai reçu ces deux rôle comme deux cadeaux, vraiment. Irène Jacob, interviewée par Minou Petrovski à l'émission Parole de star en 1994, au moment de la sortie du film Rouge de Krzysztof Kieślowski, c'est la musique du film La double vie de Véronique que vous entendiez à la fin de cet extrait, l'autre film de Kieślowski dans lequel va jouer Irène Jacob. Pour nous parler de la carrière, de l'œuvre aussi de Krzysztof Kieślowski, je reçois le réalisateur Raphaël Ouellette. Raphaël Ouellette, bonjour. Bonjour. C'est l'un de vos cinéastes préférés, Krzysztof Kieślowski. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez tant dans son cinéma? J'ai d'abord été happé, effectivement, par ces actrices-là qui sont filmées avec amour. J'ai découvert Kieślowski par la trilogie des couleurs bleu, blanc et rouge. Irène Jacob met le doigt sur quelque chose, là, je veux dire, tout à fait, cet amour-là, ces actrices-là qui rayonnent à l'écran. Ensuite, évidemment, la musique de Preissner, qui est une des plus belles de l'histoire du cinéma. Donc, je suis rentré par ces deux portes-là, un peu peut-être superficielles ou en tout cas en surface. Et ensuite, j'ai creusé l'œuvre en pièces détachées, dans le désordre. Et là, on retrouve une grande cohérence, autant une cohérence entre les films qui informent sur les films précédents et vont aussi annoncer les films à venir pour Kieślowski. Une vraie œuvre qu'on voit se construire au fil des films et absolument, du temps. Absolument, et qui n'est pas planifiée. Des graines qu'on plante dans un petit documentaire court-métrage en 66 qu'on va récolter dans les années 90. Et également, pour moi, Kieślowski, c'est le cinéaste de l'humilité. Et c'est peut-être le dernier ou peut-être même le seul cinéaste humble, ce qui est assez rare quand même. Ouais. Ça reste une voix. Donc ça, c'est le Kieślowski que vous aimez, dont vous nous avez parlé, celui qui vous a personnellement touché. Si on est un peu plus encyclopédique, oui. Raphaël Ouellette, qu'est-ce qui fait que c'est une voix importante du cinéma au 20e siècle? Qu'est-ce qui fait la force de son cinéma? La force de son cinéma, c'est d'avoir été à la fois témoin de la Pologne d'après-guerre jusqu'à l'effondrement du Bloc de l'Est et en même temps d'être témoin d'un homme qui se découvre là-dedans. C'est un cinéaste qui est arrivé un peu sur le métier par hasard, par accident. Donc, on est témoin, son cinéma témoigne de ces deux choses-là. En même temps, c'est un cinéma avec des thèmes très précis mais aussi très universels. On parle de trucs un peu plus métaphysiques. On parle des destins qui s'entrechoquent, qui se croisent. Vous l'avez dit, on est dans la foi dans l'homme, on est dans tout ça. Donc, c'est une espèce de cinéaste de la condition humaine, mais aussi des hasards et de la confluence. Donc, tout ça mis ensemble finit par faire une œuvre qui est vraiment débordante et qui a été faste aussi pour quelqu'un qui est mort assez jeune. Oui. On parle d'une cinquantaine d'œuvres, là, de 8 longs métrages de cinéma, le décalogue qui consiste en 10 épisodes d'une heure pour la télévision, qui est un grand chef-d'œuvre. Oui. On parle de beaucoup de courts métrages documentaires, de courts métrages de fiction également. Donc, c'est une œuvre assez importante. Et bon, des prix un peu partout, à Cannes, à Berlin, à Venise, aux États-Unis, des ventes partout sur la planète. Donc, un cinéaste très important et dans les années 70, 80 et 90. Comment il en vient au cinéma? Ça nous permet de parler de son enfance avec... c'est pas qu'anecdotique, c'est un enfant de la guerre, Christophe Kieslowski. Parlez-moi un petit peu de cette enfance qu'il aura, puis de ce qui va l'amener vers le cinéma, un peu par accident. Par en accident, fait. Ouais. Ben, il est né à Varsovie en 1941. La guerre épargne quand même Kieslowski et sa famille. Son père est très malade, il a la tuberculose, et il se promène comme ça de petite ville en petite ville, là où il n'y a pas trop de pollution, où il n'y a pas de guerre, justement, où il y a des spas ou des centres de traitement. Donc, il est un peu en marge de la guerre et son père va mourir quand même assez jeune. Et là, sa mère espère un meilleur avenir pour lui et tient à ce qu'il aille à l'école, qu'il poursuive des études et ça ne l'intéresse pas. Il va s'intéresser au métier de pompier quelques mois. Et finalement, parce qu'un proche parent travaille dans une école de théâtre, Kieslowski se ramasse là-bas et s'intéresse à la mise en scène. Mais pour devenir metteur en scène, ça prend un diplôme et il n'a pas de diplôme. Donc, il se tourne vers une école de cinéma où il juge qu'il sera facile d'aller chercher un diplôme, qui est l'école de Lodz, qui a été fondée après la guerre par le gouvernement communiste. Et il sera refusé 3 fois et finalement va entrer là-bas dans le but seulement d'obtenir un diplôme. Ouais. Mais bon, puisque Kieslowski, un de ses thèmes de prédilection est le hasard, eh bien, le hasard aura bien fait les choses puisqu'il va devenir cinéaste. Il s'intéressera d'abord aux grands maîtres comme Robert Bresson et Ingmar Bergman, mais ensuite sera surtout influencé par un professeur qui est aussi un documentariste. Oui. Donc, il vient au cinéma vraiment... En fait, c'est le théâtre qui l'intéresse, mais parce qu'il a besoin de ce diplôme pour faire de la mise en scène au théâtre, il va glisser vers le cinéma. Documentaire surtout au début, surtout, parce qu'au fond, il y a comme 3 grandes périodes dans son cinéma. La première, c'est vraiment sa période documentaire. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? C'est important pour lui. C'est un choix qu'il fait au début de faire du documentaire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour lui, le cinéma documentaire? Pour lui, c'est la seule façon de raconter la Pologne telle qu'elle est. Il veut vraiment s'intéresser aux gens. La Pologne et son gouvernement prônent et démontrent certaines valeurs et c'est pas ce qui est ressenti dans la société. Lui veut retourner la caméra vers la société pour montrer comment on vit ça au quotidien, au jour le jour. Donc, partir de la grande image, de partir de l'idée de la Pologne communiste et d'aller sur l'individu, chez l'individu, pour voir les conséquences de ces politiques-là. Son professeur va lui dire « Intéressez-vous à ce que vous voyez, intéressez-vous à ce qui vous entoure. » Donc, ça aussi, ça va avoir une grande influence sur lui. Et il va dire à Lodz, là où il y a l'école de cinéma, tout est noir, tout est gris, tout est sale, et les gens sont comme les murs de la ville, fatigués et usés, et ils sont devant rien. Ouais. Donc, c'est ces gens-là qu'il va filmer. Et en s'intéressant à ces gens-là, il ne le sait pas encore, mais il est en train de trouver tous les thèmes et tout ce qui influencera par la suite son cinéma de fiction. Ouais. Fiction vers laquelle il se tourne dès le milieu des années 70, mais il y a un film en 79, le film L'Amateur, qui est le film qu'il révèle en quelque sorte. En quoi ce film-là est important pour lui? C'est toujours important pour un cinéaste, les prix. Donc, Berlin, Chicago, Moscou, des prix dans ces grands festivals-là. Donc, Kieslowski, tout à coup, sort de la Pologne, aura une reconnaissance internationale. C'est un film qui va quand même être nourri par ses documentaires, c'est-à-dire il filme un homme, un ouvrier, qui devient un cinéaste amateur qui fait des petits vidéos corporatives, des petits documentaires locaux. Et... il fait face à la censure, la pression des instances, du gouvernement, des gens qui l'emploient, des gens qui allongent les sous. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il est en train de perdre sa famille, qu'il est en train de perdre sa liberté individuelle, mais aussi créative. Et à la fin du film, il va retourner la caméra vers lui. Et ça devient une espèce de fondu enchaîné entre tout ce qui précédait L'Amateur et tout ce qui va suivre L'Amateur. Donc, les longs-métrages qui vont suivre ce film-là vont plus s'intéresser à l'expérience de Kieslowski et des gens qui l'entourent et de ses concitoyens. Donc, première charnière importante pour lui. L'autre film qui va arriver un peu plus tard et qui va être vraiment important, c'est le film Le Hasard. Ouais. Ça aussi, on peut parler de charnière avec Le Hasard. De quelle manière? Pourquoi c'est important, ce film-là? Le Hasard, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui doit prendre un train. et il n'arrivera jamais à le prendre. Et à chaque fois, il y aura une raison et une conséquence différente. Et ça, ça ressemble beaucoup à ce que Kieslowski va faire par la suite. Tous ces destins-là qui s'entrecroisent, dans, par exemple, dans le Décalogue, ou Bleu, Blanc, Rouge, où on réunit les spectateurs à la fin. Donc là, il vient de trouver une espèce de moteur, on pourrait dire, dans la fiction, pour raconter une histoire, un moteur narratif, où on s'intéresse à un homme et l'impact que la société peut avoir. Comme par exemple, la première fois, il va entrer en collision avec un garde qui ne veut pas le laisser passer. Il va se retrouver membre du Parti communiste. Dans la deuxième histoire, il va plutôt se retrouver du côté du syndicat un peu indépendant, un peu underground. Et dans le troisième cas, il va prendre le train et va devenir médecin. Donc, c'est vraiment comment le destin, les petites choses du quotidien, les petites politiques, les gens qu'on rencontre ont une influence sur notre, sur notre vie et sur notre destin. Et c'est avec le hasard qu'il découvre sa famille, des gens qui vont être très, très importants, qui vont le suivre à partir de là dans tout le reste de sa carrière. Oui, ben, en fait, c'est un tout petit peu avant, parce qu'il y a une confusion entre le hasard et Sans fin, c'est que le hasard a été tourné... avance enfin, mais sortira en fait plus tard. C'est dans le film Sans fin qu'il va découvrir, qu'il va rencontrer en fait un scénariste, un avocat qui va devenir son co-scénariste qui s'appelle Pisevitch, Christophe Pisevitch, et aussi un compositeur dont on a entendu la musique tout à l'heure, Zbigniew Pressner. Et c'est là qu'il va les rencontrer et ça va influencer aussi tout le reste parce que ça devient... Pas seulement deux collègues, deux co-créateurs, mais ça devient des gens qui vont influencer sa façon de créer. Kieslowski connaissait pas grand-chose à la musique, va vraiment se coller à Pressner. Ouais. Et les grandes idées de Pisevitch, les grands concepts, parce que c'est pas un scénariste d'abord et avant tout, c'est surtout un avocat, les grandes idées, les grands concepts de Pisevitch vont influencer tout le reste de l'écriture de Kieslowski. Et cette musique de Pressner, évidemment, elle est intimement liée au cinéma de Kieslowski. Elle occupe énormément de place dans ce cinéma-là. Puis un très, très bel exemple, c'est la musique du film Bleu, le premier de sa trilogie française, qui est peut-être son plus grand film. Je vais vous montrer quelque chose de ce que vous avez composé. Sur le violon. Zelto. Et maintenant, attends, peut-être plus léger, sans les percussions. On retire les trompettes. Piano sul tasto. Mm-hmm. Au lieu du piano... Une flûte? Une flûte. On reprend au la. C'est par la beauté de ses actrices et la musique dans ses films que vous en êtes venu à Kieslowski, nous disiez-vous, Raphaël Ouellet, au début de l'émission. La musique, que dire? C'est vraiment... C'est un personnage. Elle occupe une place énorme dans les films de Kieslowski. Oui. Même très tôt, je dirais, mais surtout avec la rencontre de ce compositeur-là, Pressner. À chaque fois, on ne peut pas entendre ces morceaux-là sans être touché ou ému. C'est une rencontre vraiment déterminante pour lui. Ils feront 17 films ensemble au final, incluant bon, les courts-métrages et tout ça. Oui, c'est un personnage, notamment dans Bleu. Vraiment, c'est là qu'ils ont poussé l'expérience au maximum. D'ailleurs, on compose de la musique à l'écran, on essaie de déchiffrer des partitions. La musique devient un souvenir, devient une apparition, un leitmotiv aussi sonore pour rattacher le film ensemble. Et la musique va aussi se répondre d'un film à l'autre. Il y aura des musiques qui seront même reprises. La musique de Bleu, on l'a entendu dans le film Sans fin, par exemple. Elle a déjà été placée là. Les chants de Véronique dans la double vie de Véronique ont été déjà un peu annoncés dans le Décalogue. Donc, il y a vraiment un intérêt fort de Kieslowski, une curiosité, parce que lui-même ne sait pas chanter, ne sait pas jouer d'aucun instrument de musique. Et Pressner va le guider là-dedans, mais en même temps, Pressner va dire « Je n'ai qui ne rencontrera jamais un autre cinéaste avec autant d'attention et de compréhension de la musique que Kieslowski. Revenons un peu, on a fait ce petit détour par la musique, mais c'était un passage obligé. Revenons un peu à la chronologie du parcours de Kieslowski avec ce monument, ce gros morceau, la série Le Décalogue, 10 films présentés à la télé. Ce sera aussi présenté au cinéma, mais essentiellement, c'est fait pour la télé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Kieslowski croise son ami avocat et co-scénariste Pisevitch qui dit « On devrait filmer les 10 commandements. » Et Kieslowski fait comme si c'est n'importe quoi, c'est une idée saugrenue. Mais il va finalement, ça va faire son bout de chemin dans sa tête et va décider d'écrire 10 scénarios pour 10 cinéastes différents qui sont dans les écoles pour donner une chance à des cinéastes qui pourraient commencer une carrière avec un film pour la télévision. Mais il se fait prendre à son propre jeu, aime beaucoup ses scénarios, décide d'en faire une grande entreprise. Et c'est vraiment l'œuvre d'une vie, 10 films, 10 heures de cinéma. Ce sont 10 film influencé par les 10 commandements, donc de l'Ancien Testament, mais jamais de façon trop frontale, même que chaque film porte plutôt un numéro, Décalogue 1. On ne sait pas auquel on a affaire. Il faut un peu le deviner. Des fois, il pourrait y avoir un film qui pourrait même porter 2 ou 3 titres différents. Ouais. Mais bon, en bout de ligne, les 10 sont couverts. Et c'est vraiment à partir du moment où, si vous dites en Pologne, on manque présentement, parce que là, on est vraiment dans l'après, il y aura eu les mesures de guerre dans les années 80. On est après ça. Les gens sont désillusionnés. Les gens attendent un peu qu'il se passe quelque chose et on ne sait pas encore que ce sera la fin du Bloc de l'Est, du communisme. Donc, les gens manquent de repères et ils se sont dit « Est-ce qu'on pourrait se rattacher au commandement pour avoir une espèce de guide de vie? » Ils sont partis de cette idée-là. Et qu'est-ce qui arrive si on ne respecte pas ou si on fait fi des commandements qui pourraient être... Mais ce n'était pas nécessairement quelqu'un de croyant, contrairement à son co-scénariste qui, lui, est un croyant, même pratiquant. Mais ça, c'est vraiment une œuvre dans l'œuvre, en soi, le Décalogue. 91, on revient à Irène Jacob qu'on entendait au début de l'émission, arrive ce grand coup de tonnerre que va être La double vie de Véronique. Tu veux que je te lise? Le 23 novembre 1966 a été le jour le plus important de leur vie. C'est ce jour-là, à 3 heures du matin, qu'elles sont nées toutes les deux dans 2 villes différentes, sur 2 continents différents. Toutes les deux avaient des cheveux sombres et des yeux brun-vert. Lorsqu'elles avaient toutes les deux 2 ans et savaient déjà marcher, l'une se brûla en touchant un four. Quelques jours plus tard, l'autre approcha elle aussi son doigt d'un four, mais le retira au dernier moment. Pourtant, elle ne pouvait pas savoir qu'elle allait se brûler. Ça pourrait s'appeler la double vie. Je ne sais pas quel nom je vais leur donner. Autre film très important dans la carrière de Krzysztof Kieslowski, La double vie de Véronique. D'abord, ce sera un immense succès, Raphaël Ouellette. Et puis, c'est un peu le film de la transition entre son pays natal, la Pologne, et sa période plus européenne et française en particulier. Oui, je parlais de fondu enchaîné tout à l'heure. Là, on a vraiment le fondu enchaîné entre les deux périodes. Le film se passe autant en Pologne qu'en France, qu'en Europe. Donc, il y a ce croisement-là. C'est vraiment un film qui est rendu possible grâce au succès planétaire du Décalogue, qui va attirer des sources de financement étrangères. Et là, tout à coup, Kieslowski peut se permettre d'aller voir ailleurs s'il est, parce qu'il est un peu déçu de la Pologne, même si le rideau de fer vient de tomber, même si on a enfin eu des élections démocratiques, il ne trouve pas nécessairement son compte dans la nouvelle société non plus polonaise. Il a envie de se promener un peu. C'est 3 prix à Cannes. C'est le partenariat avec MK2, Marin Karmitz, qui va devenir un allié fidèle jusqu'à la fin de sa carrière. C'est aussi un achat par Miramax, qui à l'époque était un leader du cinéma indépendant et du cinéma international. C'est encore là, on est dans les mêmes thèmes. Ça peut ressembler un peu parfois à son film Le Hasard. C'est... ces deux personnes, en fait, qui partagent la même âme. Ouais. Quelle idée, quand même. C'est un truc qui est difficile à filmer. C'est un grand défi. Et Kieslowski arrive avec une main de maître. Avec les couleurs qui sont là. Elles étaient là un peu, mais là, on entre vraiment. Puis il y aura la trilogie qui va venir. Les couleurs magnifiques, une photo extraordinaire. Deux ans après La double vie de Véronique, on arrive donc dans cette fameuse trilogie française. Le film bleu sort en 93. Suivront Blanc, puis Rouge en 94. L'acteur Jean-Louis Trintignant parle de ce qu'a représenté pour lui cette aventure de Rouge à l'émission Parole de Star en 1994. C'est vrai que je ne le connaissais pas. Bon, mais parce que je vis en province, je vis à la campagne, et c'est ma fille qui m'a dit, quand je lui ai parlé, j'ai dit, j'ai une proposition d'un metteur en scène des pays de l'Est, là. Alors j'ai dit le nom, elle m'a dit, mais c'est formidable, il faut que tu le lises. Et puis, quand je l'ai lu, j'ai été impressionné. Puis quand j'ai rencontré le bonhomme, j'ai été encore plus impressionné. Le sujet m'a touché beaucoup. Il me ressemble beaucoup parce que moi, je suis aussi un peu un vieux misanthrope qui vit à la campagne, en dehors de ce métier, en dehors des villes. Et je comprends très bien ce personnage. Je n'écoute pas les conversations téléphoniques de mes voisins, mais je ressemble beaucoup à ce personnage. Je suis revenue parce que j'ai quelque chose à vous demander. Ne faites plus ça. J'ai fait ça toute ma vie. Vous étiez quoi ? Flic ? Pire. Le film Rouge, qui est le dernier film que va tourner Krzysztof Kieslowski, c'est aussi le dernier film de sa trilogie française Bleu, Blanc, Rouge, qui reste vraiment l'une de ses plus grandes réalisations. Que dire de cette trilogie, Raphaël Ouellet? Encore une fois, basé sur un concept farfelu proposé par Pijewicz, Les couleurs du drapeau français. Donc, liberté, égalité, fraternité. Kieslowski va résister, il va se refuser d'y aller de façon trop frontale. Il fera des films à partir de ces thèmes-là, mais de façon plus éthérée, plus poétique. Qui pose ces questions? Dans quelle mesure sommes-nous libres? Le concept, il reste là, mais de manière philosophique. Absolument, oui. La liberté, par exemple, de Juliette Binoche dans Bleu, c'est la mort de sa famille. À partir de ce moment-là, elle serait libre. Donc, c'est une façon toujours un peu oblique de poser la question chez Kieslowski. C'est un grand succès. C'est des prix un peu partout sur la planète. On pourrait penser que c'est la naissance d'un grand cinéaste, mais Kieslowski annoncera, après ses trois films à succès, sa retraite du milieu du cinéma. N'a plus l'intention de tourner, trouve ça trop difficile, se sent fatigué, n'a plus la patience de le faire non plus. Donc, il a besoin de se reposer et malheureusement, n'aura pas le temps de sortir de sa retraite et va mourir d'un âge prématuré. Il reste quoi de cette œuvre-là? Il reste... son œuvre lui survit puisque c'est encore disponible aujourd'hui. Il y a des rétrospectives un peu partout dans le monde. Il reste des grands thèmes. Il reste quelques héritiers. Je pense entre autres à Tom Tykwer qui avait fait Cour Lola Cour, qui a aussi tourné un scénario de Kieslowski. Il reste des gens comme Ignarito aussi où on joue avec les destins des gens, où on s'amuse à faire des chassés croisés. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes cinéastes aussi vont carburer à Kieslowski pour encore des décennies. Raphaël Ouellet, cinéaste, réalisateur de nombreuses séries de télévision, de film, cinéphile averti. Merci beaucoup, Raphaël. Merci infiniment. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. C'est Jacques Beauchamp. Je vous dis à la prochaine.